Donc, ici, El Catou, accompagné par Nelson et Nio. Yes. La nouvelle de la semaine, c'était quand même que l'ouverture des cinémas n'est toujours pas effective. Donc, Ça fait chier. voilà. Et donc, Par exemple. le ciné anglophone continue. Donc voilà. Et alors cette semaine, on s'est tous, on a fait ces derniers temps, on était un petit peu mou du genou. Là, on a tous vu un certain nombre de films, donc ça c'est cool. On va commencer avec Nelson, qui va nous parler du Jumeau de Yves Robert. Ouais. Ensuite, ensuite avec Nio, qui va nous parler de Nausicaa de Hayao Miyazaki. Tout à fait. Ensuite, moi, qui vous parlais de Je veux juste en finir de Charlie Kaufman. Tout à fait. Ensuite, Nio, qui nous parlera d'Enola Holmes. Ça va être marrant d'en entendre parler après tout le battage qu'il y a eu à la sortie. Ouais, et ben le battage, il n'est pas forcément mérité, quoi. Tout le monde nous a tapé Attends, dessus, en fait, non. c'est un peu de suspense. De Harry Bradbeer. Ensuite, je vous parlerai de deux courts-métrages de Jane Campion, Pile et Histoire de jeune fille. Et on finira par Nelson, qui vous parlera de Too Much, de Fernando Trueba. Too Much Oui. qui est... Le remake américain du jumeau Voilà, de donc Yves Robert. on ferme la boucle et boucle après. Programme chargé. Voilà, donc Nelson, vas-y, commence avec le jumeau de Yves Robert. Alors, le jumeau de Yves Robert, donc tourné en 83, sorti en 1984, c'est la dernière comédie de Yves Robert avec Pierre Richard. Et c'est assez particulier parce qu'on peut le lire dans les mémoires de Pierre Richard, qui s'appelle Je ne sais rien, mais je dirai tout, qu'il avait accepté ce film vraiment par amitié pour Yves Robert. Alors, faut voir aussi que Pierre Richard, Yves Robert, Pierre Richard, il doit ses deux bras, ses deux jambes à Yves Robert, quoi. Son entrée dans le cinéma, il le doit vraiment à Yves Robert. Donc, si tu veux, quelque part, Tu peux rien on est refuser, grand quoi. de bien, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un truc qu'il pouvait pas refuser. Donc, le jumeau, c'est l'histoire de Mathias Duval, un simili commerçant qui est dévoré par la passion du jeu, qui est un grand joueur, qui vit la plupart du temps chez son pote Ralph, qui est un avocat, qui vit sur la Côte d'Azur, et accessoirement il se tape aussi sa femme, et en fait donc c'est un mec un peu un bâtard, quoi, qui un jour rencontre une héritière, Liz Kerner, qui est donc une franco-américaine, dont les parents viennent de mourir, et qui a une sœur jumelle. Et en fait, Mathias Duval, voyant que ça roule bien avec Liz Kerner, il s'invente un jumeau, Mathias, pour pouvoir séduire la sœur jumelle de Liz Kerner, qui s'appelle Elisabeth Kerner. Et C'est un peu tordu par les cheveux. voilà. Et en fait, ce dernier se rend pas compte qu'il est en fait l'enjeu de la prise de pouvoir de l'Empire Kerner par une des deux sœurs. Voilà. C'est à peu près, on va le résumer comme ça, parce que y a plein de sous-intrigues et tout qui rentrent en compte dans le film. Alors, D'accord. le film, alors, c'est pas le meilleur des Pierre Richard, mais pour moi, c'est mon préféré. C'est celui que je regarde chaque année. Que chaque année, je me pose devant mon PC avec un peu de pop-corn et que je me mate ce film. Parce que, Ouais, déjà. ça se voit, on te sent vachement, vachement à donf là-dessus, hein. Vocalement, Ouais. on sent que t'es là, quoi, tu vois. Comment dire, il est donc dans le premier rôle avec Pierre Richard, qui lui, commence un peu à être dans le creux de ses comédies. Il en a un peu marre. En jugé donc par le bouquin, parce que dit donc ses mémoires, Il en a un peu marre à ce moment-là de faire que des comédies et tout, et on lui propose rien d'autre. Et en fait, il avait accepté ce rôle-là aussi parce qu'il avait lu le bouquin. En fait, c'est adapté d'un bouquin de Donald Westlake qui s'appelle Too Much. Et en fait, il avait lu le bouquin et il s'est dit, on me propose un rôle de salaud. Lui, il voyait le truc comme, tiens, ça va être un rôle de salaud. Moi, j'ai jamais fait un rôle de salaud. Ah, c'est un rôle à contre-courant, pourquoi Pourquoi pas? pas? Bien, je vais accepter ça. Puis en fait, au final, il s'est aperçu que c'était une comédie, qu'on lui redemandait encore une comédie. Et bon, par amitié pour Yves Robert, il pouvait pas lui refuser, il a Ça, accepté, c'est donc parce comme je qu'il dis. savait pas qu'en France, on fait que des comédies ou des drames, c'est pour ça, en fait. Ouais, et puis, ensuite, le film réalise le tour de force d'avoir des vraies jumelles. Parce que c'est. Alors attends, j'ai oublié le nom des demoiselles, mais c'est Carey Mor et Camille Amor, donc qui sont des Anglaises, qui au départ avaient joué dans les années 70 dans pas mal de séries, dont L'île fantastique. Elles étaient pas mal, elles jouaient pas mal dans ces de justement de ce rôle-là de jumelles. Et ensuite, donc elles ont le rôle des jumelles Turner et ça marche vachement bien dans ce film, ça marche vachement bien parce que forcément bon tu dis ouais non mais bon c'est un peu tiré par les cheveux le fait de dire ouais Mathias Duval elle le voit genre les 3 premiers jours et puis les 3 autres jours c'est Mathieu Duval qui réapparaît etc c'est un peu tiré par les cheveux mais putain on y croit quoi. Moi, en même temps, c'est un film doudou pour moi, parce que ce film, je l'ai vu, moi, je l'ai vu, j'ai l'année, il est passé en 3 heures, moi, je m'en souviens encore, je l'ai vu à 3 heures du matin, en 1995, c'était en plein été, vous savez, les films, quand Bon, là, il était TF1 temps avait d'aller rien le matin. passé, voilà, il mettait des comédies, jusqu'à, genre, il mettait, au lieu de mettre 2 films le dimanche soir, il te mettait 3 films. Donc, t'avais toujours une comédie potage des 70-80 qui passait, à 2h30 du matin, et ce jour-là, ça a été ce film-là, et j'ai pas décroché de bout en bout, quoi. Et ce film-là, il va jusqu'au bout, en fait, dans ce scénario, il va jusqu'au bout. C'est-à-dire, bon, je vais spoiler, hein, mais bon, Oh, vas-y, de toute façon, il si ça passait 20 000 intéresse fois à les la gens. télé. Voilà, c'est ça, mais le film, en fait, va jusqu'au bout de son truc. C'est-à-dire que lui n'a pas de jumeaux. Et en fait, il n'a pas de jumeaux. Et quand les 2 sœurs découvrent qu'il n'a pas de jumeaux, et ben en fait, elles l'épousent. Et donc en fait, c'est un ménage à trois. Et donc, ça va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en fait, ils font croire à l'administration que le deuxième jumeau est mort. Et c'est là où le truc va vachement loin par C'est beau les rapport gens à. ouverts quand même. Ouais, mais c'est ça, c'est que le film, il va quand même vachement loin pour l'époque. Tu te dis, mais non, mais attends, normalement, hein, c'est de la bigamie. Enfin, c'est de la polygamie. Normalement, on nous casse les couilles tous les jours avec le moindre bonhomme qui est en polygamie, hein, c'est BFM TV, hein, on vous oublie pas, bande de bâtards. Et on nous casse les couilles avec le Ça moindre dénonce, ça pèlerin qui dénonce. fait. Voilà, avec le moindre pèlerin qui fait de la polygamie. Et là, le film, lui, à l'époque, il allait super loin là-dessus, tu vois. Et là, c'est là où moi je trouve que ce film est quand même à part dans la filmographie comment ça s'appelle, de Yves Robert et de Pierre Richard. Et du coup, je me dis aussi que bon, malgré qu'il y a des lenteurs, il y a des la fin, elle est quand même un peu le d'attendre que la fin arrive dans la troisième partie, c'est un peu long, c'est un peu poussif, c'est mais ça reste super agréable. Ce film reste super agréable. Il n'y a pas de je me même si on se fait un peu chier, même si j'avance un peu à chaque fois, ah vas-y, fais chier, tu vois, machin. Même s'il y a quand même des, tu vois que Pierre Richard, il force un peu le trait du fait qu'il en a un peu marre à ce moment-là. Malgré que en 86, qui est, j'ai oublié le dernier, c'est lequel le dernier film qu'il a fait avec, comment il s'appelle, je crois que c'est Les Compères, le dernier film qu'il a fait avec Weber et Depardieu. Malgré que ce film-là arrive et que c'est quand même une comédie, mais que c'est quand même le duo et que Pierre Richard, il est quand même, c'est un mec très fidèle en amitié. Et ben, il tu vois que bon, celui-là, il a accepté, mais que bon, ça fait chier, quoi. Donc, il fait un peu des cabrioles, qui pousse un peu le trait, mais que ça n'a pas l'air vraiment de lui faire plaisir. Et ben, malgré ça, tout marche. Attends, Malgré ça. tu parlais des compères, pourquoi déjà, excuse-moi? Je parlais des compères parce que, en fait, je disais simplement que, on sent que quand il a Non, fait, mais tu disais que c'était le dernier film de qui? ouais, c'était le dernier film du duo Depardieu et Pierre Richard. Ah oui, pardon, oui, Ouais, d'accord. c'est ça en fait. Et que là, bon, malgré que donc voilà, le on sent que il pousse un peu le trait, bah du coup, bah quand même, il est pas désagréable à regarder. Il n'est pas désagréable à regarder. C'est un peu. Il y a des séquences qui restent super drôles. Il y a des moments où moi je suis là, je suis à fond dedans, mais en même temps pour moi je suis pas objectif. C'est une doudou pour moi. Mais je reste quand même, ça reste quand même super agréable à regarder malgré des longueurs, malgré que bah il y a toujours la même musique qui revient qui est comment on appelle ça, je crois que ça s'appelle, le titre original c'est Twelve Twelve et le soliste c'est Chet Baker. Donc c'est un truc, c'est apparemment Chet Baker qui a fait et la je crois que la bande originale c'est Vladimir Cosma encore, il me semble. Mais Ah, il faut que je vérifie. Ouais, mais c'est ouais. Et c'est Chet Baker qui fait le soliste à la trompette. Mais malgré que voilà, c'est souvent ce même thème qui revient. Et ben le film, il est super agréable à regarder. Il y a une ambiance un peu film des années 40, film américain des années 40, ténébreux et tout, qui reste quand même dedans. Il y a Jean-Pierre Casson qui joue un mec qui a un nom de métoc. Le mec s'appelle Ernest Volpinex. Qui est le nom, mec, qui a un nom de médoc ou alors de produits d'électroménager. Mais le gars, il fait vachement bien le comment ça s'appelle, le mec, c'est un espèce d'avocat. Tu vois, c'est un espèce d'avocat qui, lui, en fait, doit veiller à ce que l'héritage carnaire ne soit pas dilapidé. Et en fait, un espèce de connard. Et Jean-Pierre Cafou, il le joue vachement bien. Voilà, t'as plein de second rôle qu'on voit dedans. Il y a Jean-Pierre Castaldi aussi, qui curieusement avec des cheveux et qui me fait avec beaucoup de cheveux et un blouson noir et qui Il a curieusement toujours me fait des penser. cheveux, Castaldi. Ouais, mais à cette époque-là, ouais. Mais moi, je me souviens juste de Castaldi des années 90 où il avait moins de cheveux, tu vois. Bon, il Et en a du coup, toujours. chaque fois que je le revois, je me dis putain, mais Toi, t'as pas vu un Marocain à Paris? Je me souviens pas de Castaldi dedans. Si, si, Je si, l'ai vu, mais je me souviens si, pas de si, Castaldi dedans. si, si, Je me si. souviens de Francis Lalanne. Je me Ouais, souviens de Jacques Mills. bah, il y a Castaldi qui fait un juif marocain, je crois. Putain, je m'en souviens même pas. Je crois que son personnage habite au Maroc, ouais, parce que le mec il part du Maroc et là-bas Ouais. t'as Castaldi et t'as Julien Courbet qui je crois qui fait le fils de Castaldi. Ouais, mais en même temps, Julien Courbet fait tous les rôles de rebeu perdu. Dès une fois dans l'Ouest, c'était pareil, c'est lui. Non, mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que ce film-là, c'est, enfin, ça reste toujours agréable à regarder. Matez-le pas en famille, parce qu'il y a des scènes. Non, matez-le en famille, même s'il y a des scènes de nu, matez-le. Ça reste un bon. Ça C'est reste de la biologie, quoi, c'est pour ça. Ouais, voilà, C'est c'est vrai qu'il ça. faut aller dedans. C'est ça, c'est ça. Non, mais voilà, matez-le, ça reste un très bon Pierre Richard. Il y a une bonne ambiance. Comment on appelle ça, les acteurs sont très bons. Il y en a pas qui comment dire, il y a pas de trucs trop poussifs. Voilà, les second rôles jouent très correctement. Il y a pas de mecs qui en font trop. Voilà, on est en terrain connu. C'est un Pierre Richard, donc on est en terrain connu. Donc matez-le. Je suis en train de bifurquer là sur les compères. Alors le dernier du duo Depardieu Pierre Richard, c'est Les Fugitifs, hein. Les fugitifs, merci. C'est les C'est ça. fugitifs, t'as raison. Mais T'as raison, t'as raison. et Weber, donc ouais, parce que les compères c'est de Weber, et Weber, là je suis en train de voir, ils sont. En fait, ce qu'il fait maintenant, c'est d'adapter éternellement ses scénarios de base, quoi. Je vois Eh ben oui. le dîner de cons, il vient de l'adapter sur un truc sur une version grecque en fait pour la Ouais, télé. bah oui. Le placard, adaptation en 2015 pour la télé, apparemment aussi. Enfin, si, maintenant il fait. Et son dernier film en tant que réalisateur, il date de 2008. C'était l'emmerdeur, quoi. Ouais, c'était l'emmerdeur avec, comme il s'appelle, Tim Seat et j'ai oublié son nom, putain, Richard Berry. C'est celui-là? C'est la réadaptation de l'emmerdeur, c'est celui-là? Je crois, ouais, attends, je vais te voir, parce Ouais, que, il oui, me semble, parce que ça avait le, fait un four. enfin, c'est peut-être pour ça, en fait, il s'est peut-être À la rendu base, compte il que, est Billy Wilder à la base, donc bon. ouais, Non, non, non, non. Wilder, c'est le remake américain. Putain, oui, oui, c'est le il y a deux remake remakes. américain, Il y a le remake ouais. de Wilder et puis voilà, et puis il a refait un autre film, une nouvelle version de son film là récemment. L'emmerdeur, Ouais, il est de voilà. 2008 et il est avec Richard Berry, Tim Seat et Pascal Elbé. Ouais, ça fait un Et four. depuis, bah, Weber, il fait du scénario, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, à Donc, mon avis, il a pas pu faire d'autres choses derrière, je pense. Parce que l'emmerdeur, ça avait fait un sacré four. parce que D'ailleurs, le dîner de con. Yves Robert a fait beaucoup pour Pierre Richard, mais Weber aussi, quoi. C'est dingue. Oui, le dîner de con, oui. D'ailleurs, il a eu son dîner de con avec son remake aussi. C'est ce que tu allais dire. Non, mais attends, parce que je crois pas que ce soit le. Ouais, si, ouais, je crois que c'est le même. Enfin, en tout cas, le comment on appelle ça, ce film-là, en tout cas, malgré que ce soit le. Je sais pas après s'il a sorti d'autres trucs, j'ai plus la filmo de Robert en tête, mais il me Ouais. semble qu'il a plus fait d'autres films, plus gros Après films après. quel film? Ou il en a fait deux ou trois encore, je sais plus. Après quel film? Après le jumeau, il a fait, je crois, encore deux films, et Ah si après, si, il a arrêté, il me reste les années 90. ouais, mais moi je me enfin attends parce que je me souvenais d'un film que attends, je vais te dire parce que il y avait Montparnasse Pondichéry, je crois que c'est de lui. Alors attends, je vais vérifier. Oui, c'est lui. Voilà. Attends, en train de Avant dire pris le bas exactement. de Gaspi. Parce qu'il a joué, il a pas mal joué. Effectivement, bah, il est mort en 2002. Il a joué jusqu'en 99 en tant qu'acteur. Tiens, c'est marrant, il était dans Cléo de 5 à 7. Je pensais, je dis ça pour toi, Nier. Ouais, son dernier film, c'était Montparnasse Pondichéry. Ah, mais si! Après, Mais attends, t'oublies un truc! oui, quoi? Après Jumeau, donc après, mais il a fait toute la clique des La gloire de mon père, La château de ma mère. Ah, Ouais, voilà, c'est bah oui, bah troisième. yes, t'as raison, oh là là, Il n'a oh pas my fait bad, dans my les bad. secrets. Il a Ah, fait my le bad, bal je suis de Casse-Pieds, désolé. il a fait le bal de Casse-Pieds entre château de Et ma oui, mère et t'as Montparnasse raison. Pondichéry. Oh Mais là là! Putain, je l'avais complètement oublié, ça. Oh là là! en fait, Putain, je my trouve bad, qu'on oublie. complètement. En fait, enfin, on parle parce qu'on pense tellement à Pagnol qu'on oublie que c'est lui qui les a réalisés, je C'est pense. vrai, c'est vrai, c'est lui qui l'a fait. C'est vrai. Et franchement, moi, je l'oublie complètement, quoi. Je l'ai complètement zappé, quoi. Mais par Oh contre, le là là! bal de ce casse-pied, je pense que ça mériterait un petit visionnage parce que je trouve que ça a l'air d'être un film un peu oublié, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, dans les nouvelles générations. Mais et il est entre Montparnasse Pondichéry, qui, moi, je me souviens quand j'étais petite, apparemment, je crois qu'il avait plutôt marché. J'ai souvenir d'en avoir pas mal entendu parler. Après, je peux me tromper. Il est entre son dernier film et un grand succès, donc le bal des cafés, je pense qu'un jour, il va repenser le mat. Donc, Ouais. C'est tout. En tout cas, moi j'ai vraiment c'est vraiment le film, enfin c'est vraiment un de mes films préférés de Pierre Richard. Et d'ailleurs le premier, il me semble que Alexandre le Bienheureux, c'était le premier Pierre Richard avec Yves Robert aussi. Ouais, mais Voilà. il a deux petits Bah, rôles. ouais, mais c'était comment on appelle ça, c'était Yves Robert qui lui avait dit, toi t'es un personnage. Et toi, tu es un personnage et tes films doivent être autour de ce personnage. Et d'ailleurs, son premier film avait été produit par Yves Robert et Lagom. Ah, c'est Enfin, peut-être bref, pour ça qu'il a voilà. persisté à faire une comédie, quoi. Parce Ouais, qu'il aimait mais. tellement le personnage de Pierre Richard qu'il pouvait pas se détacher d'en faire un truc plus sérieux, quoi. Ouais, sûrement. Mais en tout cas, c'est vraiment, moi, je le remate à chaque fois. D'ailleurs, je pense que ce soir, je vais me remater Et encore. C'est au fait, vraiment un. un film que j'aime beaucoup. Donc, Moi Le aussi. Jumeau, 1984, regardez-le. Voilà. Et je voyais au scénario, excuse-moi, mais au scénario, il y avait Elisabeth Rappeneau aussi. Oui, il y avait Elisabeth Rappeneau et il y avait, Qui est décédée en il y avait début aussi. d'année. Ouais. Et il y avait la costumière, la tante de Louis Leterrier. Ouais. Catherine Leterrier. Ouais, Ah, sa Catherine mère, tu veux Leterrier. dire sa mère? Ouais, je sais plus si c'est sa mère ou sa tante, chaque fois je me vois. Qui avait bossé pour Besson, non? Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc du lourd. Ok. C'est pour moi. Nio. Donc Oui, merci. Nausicaa. Ben, c'est une belle transition puisque le Jumeau date de 84 et Nausicaa de Miyazaki est sorti en 84. Donc c'est une belle Hey. transition. Oh. Ah ouais. Après, par contre, je vais revenir un peu sur la genèse du film parce que c'est quand même un film qui est connu et quand même une genèse mouvementée, Nausicaa. Ouais. En fait, déjà Miyazaki, le film date de 84. Miyazaki, il commence en fait à la base son manga, Nausicaa de la vallée du vent, en 82. Et quand il a tourné le film en 84, le manga n'est pas fini, bien sûr. Et le manga, il mettra, c'est un immense saga, il mettra 12 ans à le finir. Ah ouais? Donc, ouais, comment tu veux adapter donc en film de 2 heures un manga fleuve qui fait 7 tomes, etc., qui est ultra riche, qui est peut-être un chef-d'œuvre de Miyazaki, sur papier, on va dire, peut-être plus rare. Comment tu vas faire pour l'adapter en 2 heures, etc. Voilà, c'est très dur, et des trucs qui passent à la trappe, tout ça. Mais par contre, Nausicaa, c'est un peu comme un pari, parce que le film va pas, en fait, on va en plus pas avoir un grand succès. À la base, c'est la Tokuma Shoten, une compagnie de la Tokuma Shoten, qui a demandé à Miyazaki, qui lui dit, si tu veux, on peut adapter, et comme ça pourra financer ton projet de monter un studio. Le fameux studio en question, il le montera avec Takahata, après, avec les argent gagné, ce sera Ghibli. Ouais. Et voilà. Et c'est très étonnant parce que. En même temps, pardon, de faire une parenthèse, mais il me semble que quand est sorti Akira, il n'était pas terminé, le manga aussi. Ben oui, bien sûr. Akira, c'est 6 gros tomes en noir et blanc. Et je n'ai pas assez de détails pour la version couleur. Il y a 14 tomes en colorisé pour les éditions américaines et Glénat. Mais oui, quand il fait Akira en 90, Otomo, il n'a pas fini non plus le manga. Il n'en est qu'à la moitié. Donc c'est pour ça que Akira, en plus. Moi, je trouve qu'il y a deux fins et que les deux fins, elles fonctionnent parfaitement. T'as la fin du film et t'as la fin du manga. Et pour moi, elles sont complémentaires. Et Nausicaa, c'est un peu la même chose d'ailleurs, parce que le manga il va tellement loin que le film est obligé de choisir une fin. Et la fin du film, elle fonctionne. Le film n'est pas parfait. Nausicaa, il est un peu bancal. Et c'est même presque une préparation pour le grand chef-d'œuvre qui est Princesse Mononoké. Parce que je vais y venir, il y a beaucoup de similitudes entre les deux films, justement, avec un message écologique fort en plus dans les deux cas. Mais voilà, les deux versions fonctionnent, c'est ça qui est étonnant. Ouais. D'accord. Alors, évidemment, comme je parle d'adaptation, oula, il y a du bruit à côté là. Il y a du bruit à Non, non, côté. non, non, c'est bon, excuse-moi, j'ai peut-être. Ah là, Non, vas-y, vas-y, Nelson, pardon, tu es pardon. maudit Nelson. Non, non, non, mais j'ai dû taper sur mon écran, mon clavier, c'est pour ça que ça a merdé. Excuse-moi, vas-y, vas-y, continue, continue. Voilà, donc le truc c'est que Nausicaa, quand tu compares un peu les versions papier et le film, bon, je ne vais pas faire tout un étalage de toutes les différences parce qu'on n'a pas vraiment le temps non plus, mais il y a des choses qui passent forcément à la trappe. C'est pour le cas pour toute adaptation. Alors, par exemple, on voit Nausicaa qui va s'exiler de sa vallée et qui va être mêlée malgré elle entre une guerre entre deux peuples, la cité de Pegid et Tokumenion. On va voir une princesse qui lui crée du mal et du Tokumenion qui est Kushana, la princesse Kushan. Et quand il fera beaucoup plus tard Princesse Mononoké, il n'est pas étonnant de voir en Dame Eboshi une espèce de nouvelle version de Kushana. C'est assez étonnant. C'est aussi une femme forte. L'une essaie de protéger la terre des insectes géants de Nausicaa, l'autre contre les dieux animaux qui sont aussi énormes. Il y a une disproportion. Ce sont des femmes qui dirigent l'une l'armée, l'autre qui toutes les forges, Dame Eboshi. Elles ont toutes les deux un second. Dans Nausicaa, c'est Kurotawa. À moins que je sois en train de se moquer. Enfin, elles ont toutes les deux un second. Et dans Nausicaa, on voit dans le film, bon, il reste un peu à sa place. Il essaye un peu de prendre les commandes quand elle n'est pas là. Pas forcément faire un coup d'état, mais d'avoir enfin la chance de prendre sa place. Ça va durer à peine une seconde. Dans le manga, c'est beaucoup plus ambigu, parce que comme il peut développer Miyazaki, des personnages qui sont pas forcément blancs ou noirs. Dans les films non plus, ils sont pas blancs ou noirs non plus. Mais voilà, en 2 heures, il faut tirer des traits, il faut quand même esquisser des personnages, tout ça, faut que ça tienne. Si on voulait faire un parallèle entre Nausicaa et le film Princesse Mononoké, on va se baser sur le personnage principal. Il y a Nausicaa d'un côté et il y a Ashitaka de l'autre. Ce sont deux personnages qui sont ouverts, qui savent pardonner. Alors peut-être que Ashitaka est trop parfait parce que il ne conseille pas les choses, tout ça, il laisse faire, il va pas s'immiscer dans le truc, il prend pas parti, tout comme Nausicaa. Nausicaa, par contre, montre un peu plus ses émotions. Et si on voulait continuer les comparaisons, justement, la princesse Mononoké, on pourrait la comparer au personnage de Asbel dans Nausicaa, deux des personnages qui sont en guerre. L'une est en guerre contre Dameboshi qui ravage les forêts, l'autre, Asbel, est en guerre contre justement contre Kushala. Et ce sont deux personnages qui vont pas forcément évoluer. À la fin du film, San, elle a un peu évolué, c'est elle qui termine le film avec Ashitaka dans Princesse Mononoké, et elle a, je dirais pas qu'elle a pardonné à Dameboshi. Mais on voit, elle dit à Ashitaka, elle dira, on vivra ensemble dans la forêt, on se verra de temps en temps, etc. Tandis que Asbel, c'est pas sûr qu'il ait pardonné à la fin, quoi. Donc D'accord. voilà, je ne vais pas énoncer toutes les différences, tout ça. Je reviens à Nausicaa. Donc Nausicaa a été surtout un succès d'estime. Un succès d'estime qui a permis de tourner Studio Ghibli. Mais à l'époque, Miyazaki, même s'il a fait le château de Cagliostro, même s'il a une certaine réputation dans le milieu d'animation, ça va pas encore fonctionner. Par contre, quand il va y voir le château dans le ciel, en 86, ensuite celui de Château Moroder Totoro, là par contre, ça va fonctionner monstrueusement. Et on peut comprendre que Princesse Mononoké, s'il y a des choses assez semblables, on peut comprendre qu'il va peut-être corriger un peu le tir de Nausicaa. Nausicaa a eu des problèmes pour l'adaptation, c'était un studio très limité, Miyazaki s'est un peu plaint, il l'a pas dit ouvertement, mais s'est un peu plaint d'avoir des moyens limités, que parfois il devait répéter des scènes, etc. Qui était le propre de l'animation à la télé, l'animation japonaise à la télé, et si c'est le cas, il y a pas mal de plans parfois qui se répètent, tout ça, pour faire durer, je ne sais pas si vous vous rappelez, Dragon Ball, les combats qui durent 4 heures, Ah oui, bah attends. alors que putain, dans la D'accord, t'es société gentil, hein. d'animation, tu peux couper 10 minutes à chaque épisode, faut pas déconner. Même, j'adore Évangélion, j'adore le studio, la Gainax, la Gainax d'ailleurs, les anciens de chez Ghibli, Ah oui, c'est ça. voilà, j'adore Évangélion, mais par moments dans Évangélion, t'as des passages juste avec une voix off, avec Rey qui regarde l'ascenseur ou Shinji, et c'est un plan qu'on fait un peu durer, etc. Juste la voix pour voir que c'est un plan qui est réutilisé, quoi. Ça, c'est un peu le propre de l'animation japonaise. Mais tout de suite, Miyazaki et ses comparses, Takahata, etc., ils vont vouloir essayer de mettre la barre beaucoup plus haut. Ouais, Alors, ouais. un mot aussi sur le fait que justement, Nausicaa a aussi été redécouverte tardivement chez nous. Alors, le film a quand même eu un certain succès en Amérique. Et Moebius, quand il a vu le film sur une cassette piratée, Moebius, il en était fan. Il a été tombé amoureux du premier coup. Et il est devenu d'ailleurs ami avec Miyazaki par la suite. Ah, bah comme quoi Et, le piratage a du bon des fois, hein? Et l'édition américaine du manga de Miyazaki, de Nausicaa, c'est Moebius qui fait la couverture d'un des premiers tomes. Ça, c'est du copinage, mais en grand fan. Et Miyazaki lui rendra l'appareil, lui rendra un petit hommage à Moebius peu de temps avant sa mort, quoi. Mais du coup, ça n'a pas empêché Nausicaa, quand il est sorti, déjà, il est venu chez nous, il est venu très tardivement chez nous, et pendant longtemps, il était dans une cassette vidéo qui était dégueulasse, qui s'appelait Les Guerriers du Vent, Warrior of the Wind. Ah ouais. C'était un remontage, attends, c'était même pas encore Miramax et Weinstein, mais c'était déjà un remontage du film où t'as 20 minutes qui passent à la trappe. Nausicaa était renommée Zandra. Alors tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? On est tombé dans l'Heroic Fantasy un peu nunuche, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà. Et pendant longtemps, la VHS française s'appelait Warrior of the Wind, sous-titré Le Chauve Fantôme, ou bien La Princesse des Étoiles. Le pire, c'est que même à Leclerc, il y a une dizaine d'années, je trouve un DVD qui s'appelle La Princesse des Étoiles. Je vois le truc, je me dis, mais putain, on dirait musical, une version tronquée. Mais oui, c'était ça, c'était même encore en vente dans un vieux Leclerc. Là, tu fais, non, putain! Ils avaient C'est des ça, stocks de vieux DVD à refourguer. ouais. Ouais, c'est exactement ça, c'était que ça devait. En plus, tu sais, genre, c'est traiter ça comme un vieux fond de bac de DVD, de DVD fait en Corée du Nord, quoi. De C'est ça. dessin animé fait en Corée du Nord. Et le pire, c'est que Warrior of the Wind, la Princesse des Étoiles, le DVD qu'on peut encore trouver quelques années à Leclerc, même encore aujourd'hui, on peut le trouver, c'était en plus, le pire, accrochez-vous bien, un rip de VHS. Ah oui. Alors, non seulement tu as la version tronquée du film qui fait 1h30, 2h, avec une VF pourrie et une image dégueulasse. Et tu te dis, waouh, on est en 2010, c'est pas possible. Alors après, heureusement, Nausicaa, tous les Ghibli sont ressortis en salle, etc. Il y a un travail formidable de ce côté-là. Et c'est pour ça que, voilà, imaginez qu'on soit confiné depuis plusieurs années, etc. Bah, il y aurait plein de trucs qu'on louperait, qu'on regarderait à nouveau, merci grâce au piratage. Toi, tu Mais vois loin voilà. qu'on va être confiné pendant 20 ans, quoi. Mais oui, malheureusement, c'est ça le pire. Donc voilà pour les détails techniques sur Nausicaa. Et je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je voudrais juste terminer sur la portée écologique du film. Alors, voilà, Nausicaa comme Princesse Mononoké, ce sont les grands chevaux de bataille de Miyazaki concernant l'écologie. Quand on connaît bien l'œuvre de Miyazaki, c'est quelque chose qui l'a toujours préoccupé dès les débuts. Alors, il faut savoir que Miyazaki, il a plusieurs passions, et on le voit dans tous ses films, l'aviation. L'aviation, que ce soit avec Le Vent se lève et surtout Porco Rosso. Ah, ce que j'allais dire. Et déjà, il y a des machines volantes dans justement dans le ciel. Même le château ambulant, voilà. Et puis Nausicaa, il y a aussi des avions qui volent, les insectes qui volent, tout ça. Il y a les cochons, autre grande passion de Miyazaki, les cochons, que ce soit avec les parents qui se transforment en cochons dans Chihiro, que ce soit justement Porco Rosso, voilà. Et puis bon, l'écologie, du coup, on y vient, l'écologie. Il y a aussi évidemment les personnages féminins très forts, c'est du féminisme, sans trop le dire, quoi. Miyazaki n'a jamais revendiqué le féminisme ouvertement en se basant sur les grands penseurs et les écrivaines, Ouais. mais ça se voit, il n'y Suis a pas pas sûre qu'au d'intérêt à Japon, faire je suis pas pour. sûre qu'au Japon, ça soit très bien vu de revendiquer du féminisme, en fait. Oui, effectivement, peut-être pas vraiment vu, mais Miyazaki a toujours revendiqué d'un personnage fort, féminin fort, là, qui savent prendre leur destinée en main tout seul, pas besoin des hommes pour ça. Et enfin, donc l'écologie, on y vient à l'écologie, donc avec Nausicaa, avec cette forêt toxique, la pollution, mais c'est presque triste à dire, mais si Nausicaa avait un peu forcé le trait, on serait presque dedans, quoi, parce que la pollution, l'aspérité des mers, les virus qui sont propagés, la forêt qui est toxique avec les spores, etc., faut mettre un masque, tiens, voilà, tiens, ça c'est le pré-Covid avant l'heure. Voilà. Hein, mais dans Y a pas Nausicaa, que ils les sont Simpsons, cool. hein, qui ont le don de voyance, hein. Ouais. Mais en plus, dans Nausicaa, voilà, comme la Terre est polluée à 80%, tu sors des zones non polluées, et les gens sont obligés de mettre un masque, sinon les spores mortels, dans le manga, il s'est précisé que les gens ils meurent en quelques minutes. C'est voilà, c'est radical. Même le Covid n'est pas aussi fulgurant, encore que ça dépend de ton âge. Ouais, c'est ça. Non, mais On fait de l'humour noir. ouais, Et c'est ça. dans Princesse Mononoké, le propos, alors on va me dire que Miyazaki a un peu gagné en sagesse, etc. Non, je ne le pense pas tant que ça. Je dirais que le propos est volontairement plus ambigu parce que Dame Eboshi, si elle veut, en fait, elle veut se débarrasser de la forêt parce qu'il gêne ses forges. Et en fait, dans les deux films, on s'aperçoit qu'en fait, on peut pas se débarrasser de la nature, tout ça, parce que quoi qu'il se passe, la nature nous reviendra toujours dans la gueule. D'ailleurs, 2020 nous l'a prouvé, quoi. 2020 et même voilà. Et enfin, voilà, Katou me dira que Miyazaki était un visionnaire encore aussi pour ça. Eh ben, c'est vrai. Non, le Oui, message bah des deux vas-y, films, tu c'est l'as qu'il dit, tu l'as faut. dit. Le message des deux films, c'est qu'il faut vivre avec la nature, tout ça. Voilà, on peut en tirer des ressources, etc. Mais il faut pas l'épuiser, comme dans Princesse Mononoké, à fond. Il faut pas non plus la mettre en colère sous peine d'échouer des formes complètement des formes imprévisibles et implacables comme dans Nausicaa. Donc voilà. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur Nausicaa. On pourrait faire des livres dessus. D'ailleurs, il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur Ghibli et Miyazaki, qui sont très bien. Donc je vais passer mon tour. Je pense qu'on a pas mal Bon, d'accord, ok. Moi, en fait, je vais enchaîner avec sans transition, du coup. Donc, un film qui est sorti cette année, en fait, sur Netflix. Un film de Charlie Kaufman qui n'est pas l'auteur le plus simplissime du monde, le Ouais, réalisateur le plus non, mais c'est simplissime du le plus monde. déprimé peut-être du monde. Le film s'appelle Je veux juste en finir. En anglais, je crois que c'est I'm thinking of ending things, je crois, comme C'est ça. ça. Et donc, en fait, entre le moment où j'avais mis le film de côté et le moment où je l'ai visionné, j'avais oublié que c'était du Charlie Kaufman. Et donc, tu te préparais à déprimer malgré toi. Non, même pas, je me prépare à rien, justement. Donc, je me suis pris le truc, je me suis mis, pris le truc, en fait, comme ça, en plein fouet, sans vraiment, voilà, m'attendre à rien. Donc, le pitch, voilà, c'est l'histoire de Lucie qui sort avec Jack depuis quelque temps. Elle doute de leur relation, mais elle a accepté quand même de se rendre avec lui dans la ferme de ses parents pour les rencontrer. Donc déjà, c'est filmé en 4 tiers. Donc ça donne un peu une impression un peu resserrée sur le couple. Comme momie de comment il s'appelle Exactement, de Dolan. Il fait, en fait, si, j'ai pensé à Dolan aussi en voyant ça. tu veux faire du mal là. Mais non, c'est pas si mal de l'un, arrête, c'est pas si mal. Et donc ça réunit en fait deux acteurs qui sont à peu près de tous les projets en ce moment, qui est Jesse Plemons, alias Monsieur Kirsten Dunst, et Jesse Buckley, de Jesse. Donc Jesse Simmons, en fait, bah on l'a vu à la télé dans un peu Black Mirror ou dans la série Fargo, justement dans une des saisons de la série Fargo. Après, c'est un acteur qui a été acteur enfant aussi, donc mais c'était pas le plus connu en tant qu'acteur enfant. Mais c'est surtout ouais ces derniers temps en fait où il a pas mal explosé aux yeux du grand public. Il a joué dans The Irishman aussi, il était dans Vice. Je vous connais assez Richman. Il jouait chez Ch O'Brien, bon, il est en Irlandais, dans un film de mafia. Ah oui, ah, je vois. Tu vois, Je vois. physiquement, c'est un mix entre Matt Damon et qui, je Il sais joue plus, j'avais. plus. Hein? C'est le joue plus, il jouait dans Voilà. Vice. Oui. En fait, c'est une version chubby de Matt Damon, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et donc voilà, donc on le voit dans pas mal de trucs en ce moment. Je sais plus, j'ai vu un truc de 2015 ou 2016, je sais plus, je regarde. Hop, qui je vois. Oh, Jesse Plemons. Ok, d'accord. C'est Plemons. Enfin bon, c'était Jessie Buckley, elle, pareil. C'est en ce moment on la voit un petit peu partout. Donc on l'a vue dans Tchernobyl. Elle est dans la dernière saison de Fargo. Elle a joué dans White Rose, qui est sorti en 2018, qui est de 2010 et qui était trop bien comme film, où elle jouait une nana, Wild une World. Wild Rose, Ah. qui était l'histoire d'une nana qui sortait de prison et anglaise, tu vois, mais avec le pur accent de banlieue, un pur accent cockney ou de banlieue anglais, un truc comme ça, mais qui voulait devenir chanteuse de country. Elle a joué dans Judy, en fait, le truc sur Judy Garland. Oui. Elle est à peu près, voilà, pareil, elle est partout. Et donc, fatalement, fallait un truc un peu arty comme Charlie Kaufman, fallait les rassembler, quoi. Donc ça débute en fait par un long passage de road trip qui dure une vingtaine de minutes dans la voiture où le couple discute. C'est trop long. C'est pas possible. Enfin, après c'est du Charlie Kaufman, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogue en fait. Et Et moi, ça peut j'avoue, larguer le spectateur, quoi. exactement, moi, ça m'a perdu. Surtout qu'en fait, il y a aussi que je m'attendais pas à ça, tu vois. J'aurais peut-être été mieux préparée si je m'étais rappelé que c'était Charlie Kaufman. Ah. En plus, alors il y a la voix off du personnage de Jessie Buckley, en fait, qui raconte ce qu'elle pense intérieurement. Donc elle est là, oui, alors ça fait tant de temps que je sors avec Jack, oui, j'aimerais bien en finir, machin et tout. Oui, parce que ça débute direct, je voulais juste en finir, en fait, ça, voilà, ça te met dans le bain. Donc tu supposes que c'est qu'elle veut finir son histoire avec Jack. C'est pas en finir avec la vie, quoi. Bah, je me suis posé la question à un moment, mais bon. Mais c'est en finir essentiellement avec Jack. Et donc, en fait, à 18h34, donc, alors qu'elle est en train de déclamer un poème en plein milieu de la scène, elle regarde la caméra, elle sort de la voiture, et elle regarde la caméra en déclamant son poème. Mais elle est censée être... Pareil, elle regarde par la vitre, et il se trouve que par la vitre, il y a la caméra, quoi, c'est ça. Et en fait, par là, elle implique le spectateur, et en fait, elle happe le spectateur donc, pour ce qui va suivre, en fait. Et en fait, donc le couple est récent, donc c'est un peu bizarre parce que du coup, il est récent et ils sont encore dans une espèce de sorte de politesse un peu distante qui est un peu curieux, en fait. J'ai pas trouvé qu'ils étaient hyper amoureux, tu vois, c'est bizarre. Et tu te dis, oui, c'est peut-être parce que justement, on voudrait bien en finir parce que elle sent qu'il n'y a pas une super connexion, tu vois. Pourtant, lui, a l'air vachement attentionné et intensif à ce qu'elle fait, quoi. Et pas tout. Et attends. Et en fait, donc arrivé à destination, au bout de la vingtaine de minutes, on passe là à une ambiance, par des petits détails par-ci par-là, qui fait un peu film d'angoisse épouvante. Il y a une espèce d'atmosphère. C'est par l'atmosphère, en fait. Il y a des mêmes astuces comme ça, de petits trucs par-ci par-là, que dans des films d'horreur ou d'épouvante. Mais c'est des trucs subtils, hein. C'est vraiment, vraiment pour l'ambiance et l'atmosphère. Et quand c'est filmé, en fait, tu vois la caméra qui bouge et en précédant les personnages, la caméra suit bien les mouvements des personnages, mais en les précédant un peu, tu vois, vraiment, comme si. C'était comme si, attention, il faut que je suive ce qu'il va faire, quoi. Ouais. Et à un moment, on ne sait pas pourquoi, il y a une fausse fiction caricaturale avec... Parce qu'à un moment, tu as un personnage de concierge de lycée qui est en train de regarder dans une des télés des salles de classe une fausse fiction caricaturale avec des vrais acteurs qu'on a déjà vus ailleurs et un vrai nom de réalisateur, Zemeckis, quoi, tu vois. Ouais. Alors, on ne sait pas si c'est une private joke ou pas, mais voilà, après, c'est des personnages qui vont être vite fait assimilés plus loin dans le film aux personnages qu'on suit, donc Lucie et Jack. De temps en temps, tu sens Jack, en fait, qui se trompe un peu sur le prénom de Lucie au fur et à mesure du film, tu vois, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il raconte? Même elle, à un moment, a dit, mais c'est pas mon nom, c'est pas mon diminutif, enfin voilà, quoi, bref. Voilà, et au fur et à mesure de la soirée, donc il est rencontré par Jack, au fur et à mesure de la soirée, on sent que Jack, il est plus en plus mal à l'aise, tu vois, et curieusement, les parents ont l'air de rajeunir à mesure qu'ils s'entendent avec Lucie. Et puis la visite apprend une tournure un peu surnaturelle, tu vois, c'est bizarre parce que les parents vieillissent de nouveau puis rajeunissent, on a l'impression de sauter en temporalité d'un moment à un autre, alors que et en même temps c'est la même soirée, tu vois, c'est assez spécial. Et puis bon, des fois le père il se met à parler de la mère comme si elle n'était pas devant lui, comme si elle était décédée, enfin c'est très spécial. Bref, le temps se tord, t'as l'impression que c'est ça, quoi. Et après 1h10 de film. Alors, je précise que les parents sont joués par Tony Collette et comment ça s'appelle ? Et David Tulis, voilà. Donc David Tulis qui Tony nous a. Tony Collette, je l'ai vu dans quoi déjà ? Muriel et puis tout un tas de trucs. Muriel, c'est le premier film qui l'a fait connaître. Après, elle était dans Hérédité aussi. Hein. Tu vois, dans le dernier truc, c'est Hérédité, tu vois, et puis... Elle est super dans Hérédité. À la télé, elle a été dans United States of Tara, enfin, elle est partout, quoi. Et David Tulis, bah, Harry Potter, hein, c'était lui qui faisait, je crois, Lupus, et qui nous a fait un méchant très curieux pour le premier Wonder Woman. Le premier... Le moustachu. Ouais, le moustachu, ouais, qu'on voilà. Croyait que c'était un soldat, oui, le soldat allemand, là. Ouais. Donc c'est eux qui font les parents. Et donc voilà, après 1h10 de film, donc la visite est finie. Et pendant toute la soirée, la nana lui dit, il faut que j'y aille, je travaille demain. Tu vois, donc tu sens qu'il y a un peu, je sais pas, c'est un coup bizarre, parce que lui, il dit, attends, machin, bref. La visite est finie, de nouveau, discussion sur la route pendant des plombes. Et donc après, il se passe d'autres trucs vers l'issue du film, mais petit à petit, en fait, dans tout ce millimélo-temporel, en fait, qui est assez étrange et surréaliste, on pense percevoir une réflexion sur la perception des choses et des événements. Tu vois, tellement c'est distordu et tout, tu te dis, ça doit être ça. Et puis, en fait, après tout cette lourdeur dans la voiture, dans ce qui suit après quand ils arrivent dans un certain endroit. Il y a une scène de danse qui fait partie du dénouement, en fait, du film. Et ça apparaît tellement salvateur, quoi. C'est cet état d'un coup, ça devient plus léger. Et en fait, c'est vraiment le dénouement qui arrive. Et ça fait du bien au récit, je trouve. En fait, tout ça, c'est tellement surréaliste que jusque dans la manière de vieillir les personnages, à la fin. Alors que jusqu'ici, dans tout le film, c'était fait de manière réaliste, même si c'était tantôt il rajeunissait, tantôt il vieillissait, c'était assez réaliste. Le vieillissement à la fin de tout un public, en fait, est très théâtral. On voit les traits de tirer, machin, tout, c'est fait exprès, quoi. Et en fait, ça, c'est pour révéler en fait ce qu'il en est du dénouement. En fait, je vais spoiler, attention. En fait, il s'agit pas de Lucie en fait, qui veut de. Alors attends, je vais le dire plus tard, mais il s'agit pas du tout de Lucie qui veut rompre avec Jack. Et donc en fait de tout ça, donc là je vous ai teasé un petit peu la fin. Je vous dirai voilà. Donc je vous laisse réfléchir. Donc le film de tout ça en fait, je trouve qu'il souffre de trop de références. C'est-à-dire que t'as vraiment trop l'impression que Charlie Kaufman il va à tout prix montrer qu'il est très intellectuel tout ça. Donc outre le fait qu'il se prend vraiment beaucoup la tête sur tout un tas de trucs, sur sa manière de mettre en scène, de décrire les choses et tout, il y a aussi des références sur des films, des auteurs balancés au gré de la discussion dans le couple. Et puis surtout avant tout. Il y a de base, c'est un film qui est adapté d'un bouquin. Ah. D'un bouquin d'Ayane Reid, qui date de 2016, qui s'appelle Je sens grandir ma peur, et qui est décrit comme un thriller mental. D'où peut-être la mise en scène, tu vois, qui fait un peu angoisse, machin et tout, quoi. Et donc, selon Frédéric Foubert, tu vois, dans un article de Première, le bouquin, lui, il est beaucoup plus clair sur la finalité de l'histoire. Ouais. Tu vois, c'est là que tu vas passer à la moulinette de Charlie Kaufman, de suite ça devient plus complexe. Peut-être aussi que parce que le bouquin il expliquait beaucoup plus de trucs sur je sais pas combien de temps. Non, c'est surtout sur la finalité, hein, surtout sur la fin du bouquin en fait. Mais néanmoins, en fait, apparemment, le bouquin, il correspond quand même pas mal à l'univers, en fait, un univers qui est totalement en adéquation avec celui de Charlie Kaufman. Et donc attention, donc comme je vous ai dit, si en gros on croit que c'est Lucie au début qui va en finir de sa relation avec Jack, et ben en fait l'histoire traiterait de Jack qui veut en finir avec la vie, et tout le film ce serait des mélanges de souvenirs arrivés et imaginés, mais aussi des futurs fantasmés. D'accord. C'est pour ça que ça saute d'un truc à un autre en fait. Putain, c'est compliqué. Ouais, et notamment sur sa rencontre avec Lucie, parce qu'à un moment, Lucie commence par raconter dans La joie et la bonne humeur sa rencontre avec Jack, aux parents de Jack, et puis un peu plus tard, elle en parle de manière comme si c'était un truc qui était jamais arrivé ou à peine. Et en fait, ouais. Ce serait parce que la rencontre avec Lucie, elle est en réalité, elle serait pas allée très loin. C'est dans sa tête, c'est Jack qui se fait tout des films, quoi. Qui imagine des trucs. Donc voilà. Et au fur et à mesure, moi du coup, comme j'avais zappé le truc comme j'avais zappé que c'était Charlie Kaufman, au départ, j'ai cru que c'était. J'ai d'abord pensé à Relique en fait, quand ils sont chez les parents, parce que Relique qui est un film australien qu'on avait vu à l'étrange festival et qui était un film assez sombre et poétique avec Emily Mortimer et qui parlait d'Alzheimer. Ouais. Mais et puis petit à petit avec le film quand même ça s'en éloigne un peu du coup, et d'un coup je me suis dit ça me fait penser à Synecdoche New York de Charlie Kaufman et c'est là que je me suis rappelé mais putain c'est vrai c'est lui quoi, et en fait et donc du coup tu vois c'est à dire que même quand il s'inspire d'un autre auteur il a sa patte clairement et c'est il a tellement un univers tellement défini que voilà, c'était ça peut pas être autrement qu'un film de Charlie Kaufman avant tout quoi. Et donc ouais, c'est vrai effectivement quand on le sait, il y a pas de surprise quoi, mais voilà, c'est un Kaufman pur jeu. Trop, trop pur, quoi. Trop pur jus. Voilà. Donc voilà. Donc tu conclus d'une manière positive. Mitigé, mitigé. Non, je vais pas dire mitigé, hein. C'est pas parce que j'ai dit que c'était un Charles Kaufmann que c'est positif, hein. Mais attends, c'est un moment de réflexion qui était compliqué, quoi. Ouais, non, non, bah, je te dis, moi, j'ai un peu de mal avec les scènes de voiture, quoi, qui sont un peu lourdingues. Ouais. Mais après, le reste, tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce, tout ce qui est, tout ce côté un peu surréaliste et tout, ou, avec des entremêlements psychologiques et tout, enfin, pourquoi pas, moi, je plutôt réceptive, même si je comprends pas forcément tout, enfin en tout cas de prime abord, et je suis plutôt réceptive à ça, mais non, là les scènes de voiture c'est juste pas possible, quoi. Mais voilà. Alors, non, pour l'échelle du film d'auteur français, tu mets ça à combien? Je mets ça au-dessus, t'es gentil toi. C'est pas la même ambiance en fait, là pour le coup c'est vraiment une histoire d'ambiance, c'est pas... D'accord. Donc ouais. Voilà. Okay. Ben Lino, je t'avais la main avec Enola Holmes. Et à nouveau, j'avais trouvé une belle transition pour rebondir, puisque ouais. Moi aussi, Enola Holmes, c'est aussi une adaptation de livre. Ouais, c'est aussi sur Netflix. Oui. Alors, là aussi, il faut qu'on revienne aussi sur la jeunesse, parce qu'en fait, à la base, le film devait être distribué par Warner Bros. Mm-hmm. Et sortir en salle en avril 2020. Et ben, pas de peau, le Covid, et Netflix s'est dit, oh, on va racheter les droits. Et du coup, ça sort en septembre sur Netflix, mais ça devait sortir en salle. Et ça se voit, parce que quand même, des moyens, tout ça, la photographie est très belle, et les acteurs, tout ça, enfin, on voit que c'est pas un film Netflix. C'est un peu les acteurs du moment. Mais j'ai pas regardé pour Charlie Kaufman, mais bon, après, le truc, c'est qu'entre le Scorsese et ou même Kaufman, ils ont quand même des films que, même si c'était des films qui sont pas sortis de base, qui étaient pas prévus pour sortir de base en salle, ça reste quand même des films qui pourrait sortir en salle, quoi. Tout à fait, tout à fait. Mais après, il y a des films, des petits films que Netflix fait, tu vois la différence avec justement Scorsese ou Fincher ou d'autres trucs, où le budget n'est pas forcément le même, où il y a peut-être moins de liberté, tout ça. Enfin, c'est des rachats, sûrement. C'est sûrement des rachats, parce qu'en fait, en fait, Netflix, on croit que tout ce qu'il y a dessus est à eux, mais en fait, ils rachètent des trucs déjà faits. Tout à fait, tout à fait. Et bah justement, comme c'est parfois des petits films, ça ne va pas leur coûter trop cher. Enfin, ouais. Là, on va dire que c'est peut-être un peu médisant. Du coup, les enquêtes d'Enola Holmes, à la base, c'est une série de romans policiers, il y en a 6, écrite par Nancy Springer. Nancy Springer, ça me dit quelque chose. Pardon? Ça me dit quelque chose, Nancy Springer. Eh ben, effectivement, ça peut dire quelque chose, parce que c'est une spécialiste du détournement, entre guillemets, parce que là, elle reprend un peu l'univers de Baker Street, avec Sherlock Holmes, pour le tourner d'une manière pour la jeunesse. Elle a aussi fait un détournement de Robin des Bois. Robin des Bois avec la fille de Robin des Bois, tout ça. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que Nancy Springer, elle n'est pas du tout distribuée chez nous, très mal. À part Enola Holmes, qui aussi a été adaptée en bande dessinée, donc les 6 tomes en livre et plus 6 bandes dessinées, eh ben, elle a écrit apparemment une trentaine d'autres œuvres, mais rien n'a été traduit chez nous. C'est fou, ça. Alors qu'apparemment, elle a connu le milieu de la science-fiction pour adultes, tout ça, le fantastique. Et c'est que récemment, parce qu'elle est toute jeune, qu'elle a fait des trucs pour la jeunesse il y a 10 à 20 ans, quoi. Donc, Enola Holmes, donc du coup, le film qui est sur Netflix adapte le premier tome des 6. Et pour le moins, point de vue, c'est une belle réussite de mon point de vue, tout comme Les Orphelins Baudelaire a été une belle réussite, tout comme la série des Orphelins Baudelaire aussi a été une belle réussite. Parce que je le précise, parce que c'est une adaptation de livres pour la jeunesse qui sont aussi plantés magistralement. La cinquième vague avec Chloé Grace Moretz, on va pas être trop méchant, mais c'est pas terrible, quoi. Voilà. Tu vois, je me suis même pas dit que j'allais le voir, donc. Voilà. Hunger Games, c'est bien, c'est pas mal, Hunger Games. J'avais juste vu le premier film et j'avais commencé à lire le bouquin, ça le mérite, c'est fidèle, tout ça. Harry Potter, c'est un des grands classiques de ces dernières années, voilà, on va pas y revenir. Aussi bien en livre qu'en film, c'est assez réussi. Même si, quand on a eu les livres, on sera d'accord avec moi que les films, ça pourrait faire un peu plus, je crois, un peu mieux. Voilà, voilà. Et j'ai pas lu le bouquin, mais du coup, le peu que j'en vois du film, c'est assez bien réalisé. Alors déjà, comme j'ai dit, donc la photographie, elle est très magnifique, photographie. Le casting, il y a 4 têtes d'affiche principales qui sont assez monstrueuses. Ouais. Déjà, Henri Cavill, on peut pas le louper. Oui, t'inquiète pas, on peut pas le louper, ça c'est sûr. On peut pas le louper, super. Bon, on n'a pas les mêmes raisons, mais c'est pas... Alors, le truc intéressant, c'est que beaucoup de gens ont épinglé Enola Holmes justement à cause de la performance d'Henry Cavill et ont dit qu'il était trop transparent. Ah bon? Moi, j'ai envie d'être un peu plus ambigu parce que quand tu vois avec les interprétations qui sont très exubérantes de Benedict Cumberbatch ou Robert Downey Jr., là, tu as un Henry Cavill qui joue un Sherlock Holmes beaucoup plus cérébral, beaucoup plus ancré, etc. Et j'ai envie de dire, ça fait du bien, c'est bien Il en est film, quoi. vrai. En fait, c'est pour le coup, je pense que parce que je l'ai vu aussi un petit moment et je pense que, enfin, pour moi, la performance d'Henri Cavill, elle est définitivement plus dans la séduction. Et encore. C'est-à-dire que il est beau gosse, d'accord, mais il fait pas le séducteur. C'est-à-dire Tout à que fait. il est effectivement très, il est très contenu en fait. Et effectivement, ça détache avec la performance de Cumberbatch ou ce qu'on aurait pu voir. Enfin bon, parce que, mais je pense que c'est fait exprès justement d'avoir pris un peu l'antithèse, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et j'aime beaucoup cet aspect de Holmes qui est plus cérébral, plus en retrait, qui est peut-être aussi probablement plus proche du Holmes dans les bouquins d'Arthur Conan Doyle. Parce que on a tendance à oublier, mais le Sherlock exubérant qu'on voit ces dernières années, etc., c'est peut-être pas forcément le Sherlock qu'il y avait dans les bouquins, même pas du tout, quoi. Après, oui, c'est sûr que selon les versions, on a la patte du scénariste, elle se sent plus selon les versions, quoi, tu vois. Oui, Oui, oui, oui. et puis je pense que Cavill, de toute façon, il sait très bien qu'il n'aurait pas pu rentrer en compétition avec les interprétations d'un tel ou un tel. D'ailleurs, je suis maintenant, si j'ai pas vu une interview comme ça où on lui posait la question sur son interprétation et qu'il avait dit qu'il avait absolument pas pensé aux autres Aux autres, ouais, bah interprétations. oui. Ouais. Donc, et finalement, c'est le mieux parce que du coup, sinon, tu penses trop à avoir des références, quoi, et ça brouille ce que tu fais, quoi. Ouais, Ouais, c'est ensuite, clair. Helena Bonham Carter. Ensuite, alors moi, j'adore Helena Bonham Carter, donc je suis très content de la retrouver ici, même si elle a un second rôle, et qu'on ne la voit pas pendant tout le film, quoi. On la voit un petit peu au début et par intermittence. Mais c'est le peu de présence qu'elle a suffit à marquer durablement, vu que la base du film, c'est Enola, qui est la petite sœur cachée de Sherlock et Mycroft, qui appartient à sa recherche, vu que la mère, Eudoria, la mère donc de la fratrie Holmes, disparaît. Du jour au lendemain, elle disparaît, etc. Et donc tout le film, cette espèce de jeu de piste assez plaisant d'ailleurs. Et donc Helena Bonham Carter, le peu de présence qu'elle a, elle apparaît dans les flashbacks, dans le truc, mais ça doit faire quoi? Sur un film de 2 heures, ça doit faire 15-20 minutes. Et elle s'en sort très bien, ça sort très bien, quoi. C'est-à-dire, c'est une actrice qui a toujours eu un charme, même rien que sa présence, elle en impose. Voilà. Ensuite, on va parler évidemment de Millie Bobby Brown qui porte presque pratiquement tout le film sur les épaules. Oh, c'est mignon ce Braun que tu nous as sorti. Alors, Oui, en français, monsieur, non? beaucoup de gens la connaissent grâce à Stranger Things. Ouais. Moi, je n'ai pas vu Stranger Things, donc Moi non plus. je suis assez vierge de ce côté-là. Et du coup, j'ai pu voir sa prestation dans Enola Holmes, où franchement, elle est très bien. D'ailleurs, même Rotten Tomatoes avait dit que justement, elle était très fraîche dans le film, ça apportait vraiment un vent de fraîcheur. Et ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir, quoi. C'est un élément important du film. Enfin, un quatrième acteur plutôt, un peu moins connu que les trois cités, qui est Sam Claflin. Ouais, Claflin? Voilà, Claflin. Enfin, moi voilà, je le qui dis a pas Claflin, mal mais. de. C'est un acteur qui commence à se faire un peu connaître, qui a pas mal de second rôle. D'ailleurs, je parlais d'Ender Games, ben, il joue dedans. Il a joué aussi dans Blanche-Neige le Chasseur, etc. Mais c'est pas vraiment des rôles au premier plan, quoi, à la base. Ouais. Donc là, on le voit un peu, il a Mycroft, c'est un rôle important. Et c'est un rôle qui n'est pas facile, puisque Mycroft, tel qu'il est décrit dans le film, c'est le mec qui est un politicien pas très sympathique, on va dire. Et pas très ouvert du fait des évolutions du monde. Moi, je trouve qu'il Ouais, est très vraiment très dans le temps. je trouve qu'il est très très bien dans ce rôle en fait parce que Sam Claflin généralement il joue des jeunes mecs voilà des un peu type jeune premier. Je crois que j'ai dû le voir Oui. dans un ou deux films Là, romantiques et tout dis ça, c'est parce que là, il a la moustache. non C'est mais là il joue mais non le mais là de pouvoir. personnalité il fait un personnage un peu sévère et tout et je trouve qu'il le fait bien quoi. C'est un peu c'est quand même assez légèrement à l'antithèse de ce qu'il fait d'habitude en fait donc Oui. je trouve ça sympa. Et c'est très bien d'ailleurs parce que c'est pas un rôle facile. Il doit compenser un personnage qui est assez dur, qui est assez sévère, mais qui est pas un mauvais bourreau non plus, quoi. C'est pas le méchant de l'histoire non plus, Mycroft. Mm. C'est juste que c'est quelqu'un qui, bah, comme dans les écrits de Conan Doyle, comme dans la série Sherlock, c'est comme un personnage, Mycroft, de composer avec les intrigues du gouvernement, qui a un pied au gouvernement, et qui est beaucoup plus réservé et plus carré que Sherlock, quoi, à la base. Bah, donc, moi, là, j'ai l'impression facile, que. Il s'en sort bien. Moi, j'ai l'impression que là, et pour le coup, c'est vraiment plus le côté, qu'il est dans son rôle de frère aîné à qui incombe des responsabilités et du coup qui est rigide sur ses responsabilités, quoi. Bien sûr, mais même dans Sherlock, la série, Mark Gatiss était aussi dans ce rôle un peu de grand frère, etc. Mm-hmm. C'est une composante de Mycroft qu'on peut pas passer sous silence. Mm-hmm. Donc, le fait qu'on ait tapé sur Enola Holmes pour pas mal de chroniques, etc., alors que dans l'ensemble, ça reste assez fidèle à l'état d'esprit d'Arthur Conan Doyle, voilà. Moi, je vois pas de raison de me plaindre, quoi. Alors, moi, j'en ai un. Attends, laisse-moi finir. Et même, justement. Du coup, je rebondis un petit peu. J'avais fait une comparaison avec le Sherlock avec Benedict Cumberbatch. Ouais. J'aime beaucoup. J'adore la série Sherlock avec Benedict Cumberbatch. D'ailleurs, Enola Holmes emprunte un petit peu par moment le montage rapide, sur les flashbacks très rapides. Même le fait de briser le quatrième mur en s'adressant au spectateur. Ouais. Mais autant sur Sherlock, je peux comprendre que ça puisse énerver pas mal de spectateurs, parce que Sherlock, un épisode de la série, ça dure 1h30, c'est comme un film. Autant là, sur 2h, Enola Holmes, le rythme est parfois beaucoup plus posé, etc. On a un travelling, il y a des très beaux plans à la grue, je sais pas si beaucoup de spectateurs l'ont remarqué, que ce soit pour le manoir d'un jeune marquis, etc., la caméra qui descend, il y a des petits plans de séquence, etc. Il y a une mise en scène très soignée, mais qui n'en fait jamais trop, quoi. J'ai envie de le dire, c'est du bon divertissement, soigné, à la fois pour la jeunesse et pour les adultes. Et mon papa, qui est fan de Sherlock Holmes, a dû probablement le voir et a dû apprécier. Je serais curieux de lui poser la question. D'ailleurs. Je serais curieux de lui poser la question, tiens, d'ailleurs, parce que, voilà, lui, s'il y a l'adaptation de Sherlock Holmes, il a quasiment tout vu. Ah, c'est vrai. Donc voilà pour les bons points. Alors, après, les petits trucs un petit peu, pas forcément négatifs, mais les trucs qui m'ont un peu fait tiquer. Par exemple, le film est clairement dans une approche féministe, etc., et sous-entend les suffragettes avant l'heure. Or, les suffragettes, par exemple, pouvaient être un mouvement qui pouvait être extrême, parce que les suffragettes, on pose des bombes, etc. Les suffragettes, c'est un mouvement qui a pourtant pris de l'ampleur, mais au début du XXe siècle. Enola Holmes, et les écrits avec les entours sur Sherlock Holmes, c'est dans le XIXe. Oui, il y avait des mouvements au XIXe aussi. Oui, il y a eu des mouvements aussi, etc. Mais et les libertés qui sont prises du point de vue de l'histoire, etc., mais qui me dérange pas tant que ça, quoi. Ça me dérange pas tant que ça, parce que le film reste un petit film de divertissement, etc., et n'a pas la prétention de vouloir assommer les spectateurs avec une thèse, etc., et du genre oui regardez c'est passé comme ça, etc., non visitez pas, c'est passé comme ça, donc après j'ai conscience que c'est un film qui sera oublié d'ici quelques années, quoi. On va pas se leurrer, c'est pas le film de l'année non plus, quoi. C'est pour faire plaisir, et c'est ce que je recherche dans le film. Mais du coup, je suis content, je me suis fait plaisir, c'est sympathique à voir, tout ça. Il est probable qu'en 2021, j'aurais dû oublier tout ça. Voilà, bon. Après, que dire de plus, oui, j'ai vu des gens qui critiquaient le fait que Enola fasse se battre, etc., parce qu'elle a reçu une éducation, que sa mère lui a montré Jujutsu, etc. Alors, j'ai envie de dire, ça peut être discutable, mais quand on connaît que Sherlock Holmes, déjà dans les écrits de Arthur Conan Doyle, il sait se battre, il pratique la boxe, il pratique le karaté ou un autre truc, ou même le Jujutsu aussi, cette chose-là a été reprise aussi par la série Sherlock, du coup, qui sache se battre, etc. Il y a même d'autres aspects qui sont repris, le fait que c'est quelqu'un qui est passionné de musique, etc. On passe au silence que Sherlock Holmes est aussi un drogué, mais vraiment pas possible, oui. Etc. Ça, c'est passé oui, sous silence. Que souligne d'ailleurs la série américaine. Oui, j'ai pas vu les Montari. Voilà, j'ai pas vu les Montari, mais c'est un aspect que même la série de Mark Gatiss montre clairement. Voilà, c'est pas un aspect très amusant de personnage, ça fait partie des personnages. C'est pas Mark Gatiss, hein, c'est Mark Gatiss, il était acteur dedans essentiellement, je crois. C'est deux créateurs, mais. Ouais, mais celui qui est plus reconnu, c'est l'autre, en fait. Même si Gatiss, ça part dans le truc, quoi. Ouais. Parce qu'ils ont déjà travaillé ensemble, ils ont souvent travaillé ensemble, c'est pas la première série. Sur Doctor Who, en fait. Hein. Gatiss, c'est. Ah putain. Je connais toujours son nom et ça m'échappe. Putain. J'en ai marre. Mais effectivement, Gatiss, d'ailleurs, il avait joué un petit rôle sur Doctor Who. Stephen Moffat. Voilà, Stephen Moffat. Et je crois voilà. Et d'ailleurs, je crois que Gatiss, à un moment, je me demande s'il a pas pris la suite de Moffat. Enfin, je sais plus. Enfin bon, après, les spécialistes le savent mieux, hein. Mais voilà, c'est effectivement les deux, ils sont cul et chemise sur Doctor Who et sur les séries affiliées de la BBC, je crois. Tout à fait. Ils ont fait leur Dracula ensemble qui est sur Netflix, je crois. Mmh. Ça divise encore plus le truc. J'ai bien aimé, moi, mais après. Voilà, donc ils ont fait Sherlock, ils ont fait. Et on les voyait déjà, tu parles de Doctor Who, et je me souviens d'une autre série qui est beaucoup moins connue qui s'appelle Jekyll. Ah oui, aussi. Oui, ouais. J'ai entendu parler ça. Qui est pourtant pas mal du tout, apparemment. Ça passait sur le câble, c'est une époque. Ça passait, je crois. Ouais. C'est pas sur Arte que ça passait? Je crois que c'est sur le Arte ou c'est sur le câble, je sais plus, mais je connais cette série. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et pourtant, c'est pas ce qui est le plus connu, mais pareil que c'est pas mal non plus. Donc, je peux comprendre toute l'incrimination sur Sherlock Holmes, mais je pense qu'il y a une bonne partie de gens qui sont outrés juste parce que ça apporte un petit vent de fraîcheur et de nouveauté, quoi. Alors, après, moi, il y a peut-être des choses plus importantes à nous dire. Ça. Non, ça va être court. C'est que tu parlais d'un vent de fraîcheur et de nouveauté, oui et non. C'est-à-dire que pour moi, le cahier des charges est beaucoup trop présent. C'est-à-dire que tu sens que... Consensuel. Consensuel. Non, c'est que le cahier des charges, c'est-à-dire, allez hop, il faut mettre ça, puis on coche. Ah, ça y est, on coche. Féminisme, on coche. Héroïne enjouée, on coche. Un petit jeune premier qui va possiblement un peu plaire, on coche. Relation, on coche. Voilà, c'est beaucoup trop présent, trop obvious, quoi. Et je trouve que ça alourdit le récit, justement, et que ça m'empêche là où il y a de la fraîcheur. Après, c'est vrai que l'interprétation de Millie Bobby Brown, elle est motivée, c'est sûr. Un rôle comme ça, on va pas le refuser, hein. Oui, non, mais j'ai pas grand chose à dire aux acteurs, mais c'est juste que, voilà, j'attendais mieux. Enfin, j'attendais pas grand chose. Je pense surtout que ça aurait pu aller mieux à ce niveau-là, quoi. C'est subjectif parce que moi non plus, je n'entendais pas grand chose, voire rien du tout. Et j'étais agréablement surpris. J'ai repéré effectivement les casques que tu as cochés, etc. J'ai repéré aussi. Non, mais c'est des exemples. Mais on sent trop que le cahier des charges est là. On le sait qu'à Hollywood, en fait, il y a un cahier des charges chaque fois qu'ils font des produits de divertissement. Mais... là, il est trop tard, trop apparent. Autant, comme je dis, c'est subjectif. Autant il y a des choses des films où ça va me gêner, autant là, c'est passé comme ça, quoi. Ça m'a pas gêné, mais voilà, c'est subjectif. Il est possible que je fasse la gueule un peu sur manque, peut-être. On verra. Peut-être qu'il y a un manque de recul de ma part, on sait pas trop. Ouais. Oh. Donc voilà. Bon, Tony Nola Holmes, en tout cas, je le conseille. C'est un bon petit divertissement. Voilà. Il coche des cases, comme dirait notre surcatou, mais pour moi, ça passe. Je vais enchaîner, moi, avec deux courts-métrages de James Campion. Alors, au départ, en fait, c'est pas ça que j'avais prévu de mater. J'avais commencé à mater un film qui était... je vais te le dire, c'était un truc... c'était Destruction Planète Terre. Wow. Qui est un film de 77 avec Christopher Lee et Sula Yen. Je t'avoue que j'ai... En fait, le film en lui-même, je l'ai maté en VO, non sous-titré. Je trouvais qu'un film comme ça, en fait, il se passait pas suffisamment de choses passionnantes pour que je le voie en VO, en fait. Donc, parce que ça n'avait pas l'air fou, quoi. Mais, enfin, moi, en plus, bon, le personnage Shane, son moyen, Christopher Lee, on le voit pas tant que ça, en tout cas. J'ai pas été jusqu'au moment où on le voit plus que ça, donc, c'est... Sa période creuse, ça commence dans sa période creuse, ça. 77, donc ouais, c'est possible. 77, ouais, c'est possible. Ouais. Mais du coup, tu vois, enfin, c'est. Donc, du coup, j'ai commencé à bifurquer un peu sur d'autres trucs. Et puis je me suis dit, si j'allais voir sur Université. C'est Université. Ouais. Et. Tu peux aussi aller en Université, hein, mais elles sont peut-être un peu fermées. Ouais, ouais. Et donc, du coup, j'ai vu ces trucs-là, Jeanne Campion, machin et tout, je pense, c'est intéressant. Parce que du coup, en fait, Jeanne Campion, on sait quoi d'elle? Bon, là, à chaque fois, on cite la C'est leçon de anglais. piano. Hein? La son piano, Ouais, la son piano, mais le pardon. truc, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, on cite la leçon de piano. Mais le truc, c'est que, bon, elle a pas de pire. The lake, Hein? across the lake, across the Exactement, lake. à la télé, bah oui, mais c'est ça, on cite son plus connu et son dernier truc à la télé. Elle a fait quoi? Elle a fait Sweetie, elle a fait un... Attends, je vais te sortir le truc parce que elle a fait plus de trucs quoi que ça. Après, elle, je pense que c'est quelqu'un qui prend plus son temps parce qu'elle a pas non plus fait trop de films non plus quoi. Mais Non, elle fait de la qualité. oui, c'est ça. Donc effectivement, à la direction, ces dernières années, elle a fait les deux saisons de Top of the Lake, qui est vraiment une série vraiment très bien, avec Elisabeth Moss, et sur la deuxième saison, Nicole Kidman aussi. Mais voilà, sinon, enfin, elle a fait quelques Mais cours. Campion, c'est une anglaise ou c'est une américaine? Je ne sais C'est jamais. une Australienne. Ah, une Australienne, bon, merci. Nouvelle-Zélande, pardon, Nouvelle-Zélande. Ah, d'accord, ok. Et Comme Peter elle vit à Jackson. filmer, hein. Ouais. Et donc, ouais, elle a fait des courts-métrages au début de sa série. Après, elle a fait un film télé. Puis après, elle a fait des grands films, quoi. Sweetie, Un ange à ma table, avant la leçon de piano. Et après, elle a fait Portrait de femme. Portrait de femme, il y avait qui dedans? Tu vois, attends, il me semble que... Alors, je vais pas dire. Voilà, il y avait Kidman et Oui, femme. Malkovich déjà. Il y avait Holly Smoke aussi. In the Cut. Attends, est-ce que c'est celui-là auquel je pense? Parce White que. Star. Ouais, aussi. Attends! Voilà! Bah, attends, In the Cut 2003 avec Meg Ryan et Mark Ruffalo. C'était. Wow, Marc Ruffalo en 2003. Ouais! Il a la moustache d'ailleurs! Il a une moustache façon pornstar, Cuir, quoi! Donc. moustache. Exactement! Et je crois que d'ailleurs, c'est le film sur lequel Meg Ryan, elle avait une scène d'amour, je sais pas, un truc un peu sulfureux. Je crois que c'était l'époque où elle essayait de trancher avec son image de petite fiancée de l'Amérique et tout. Ouais. Et donc, après, bon, de nouveau court-métrage, bien sûr, mais et la télé, tu vois. Après, d'ailleurs, c'est son dernier film, en fait, de, non, j'ai bêtise, il y a Bryce Star après. Mais ouais, Bryce Star 2009, dernier film, après, c'est la télé. Elle en a actuellement, The Power of the Dog. Le pouvoir du chien, d'accord, ok. Oh, J'espère que c'est une comédie, hein, qu'il y a des pareils. ça sent la comédie romantique chez nous, quoi. Je C'est sais genre la pas, meuf qui fait mais. qu'avec des chiens, dis toi. Attends, c'est avec Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst quand même, hein. Sans déconner. Ouais. Attends, si je lis. Attends, parce que je traduis le truc en même temps, c'est une. Alors, deux frères qui possèdent un ranch dans le Montana sont l'un contre l'autre quand l'un des deux. Sont montés l'un contre l'autre alors que l'un des deux vient se marier. Ok, d'accord. Bon, ça va pas être une comédie, je le Encore sens. une histoire de meuf qui fout la... Je Non, sais voilà, sens que ça va je pas être prends une que comédie. ça, ouais. Non, Ça parce a l'air qu'elle d'être comme ça, en tout cas. fait pas ce genre d'histoire, Jeanne Campion. Elle fait pas une histoire de meuf qui fout la rage, quoi. C'est plutôt des portraits de femmes, en fait. Alexa! Là, Alexa! Pardon. Alexa! Pardon. pour le coup, James Campion, Jeanne Campion, elle est vraiment une réalisatrice féministe, en fait. Elle fait de très beaux portraits de femmes. Et donc, du coup, on en revient à ses courts-métrages. Elle a fait une école de cinoche, en fait, alors attends, ouais, qui est la Australian Film Television and Radio, elle a fait ça au début des 80. Elle en est sortie en 84. Mais alors, du coup, son court-métrage, qui était Pile. Donc en 82, tourné en 82 et présenté à Cannes en 86. Ah ouais, quand même. Ouais, et attends, attends, attends! Présenté à Cannes en 86 et Palme d'Or du court-métrage. Ah putain, c'est vrai, c'est pas mal. C'est un début quand même. Donc dès le début, elle a été happée Oui, ça par fait beaucoup. Cannes. Ouais. C'est très curieux d'ailleurs comment ça se fait parce que du coup en fait parce que c'est Je sais pas, on parle souvent du fonctionnement de Cannes et tout, enfin c'est très bizarre. Parce que ce film-là, en lui-même, moi j'aurais pas vu celui-là, tu vois. L'histoire, c'est un père et un père, son fils, qui font la route avec la sœur du père. Donc c'est une vraie famille hein, qu'ils ont filmée. Donc le petit, il est en train de manger une orange et il jette l'épluchure par la fenêtre. Et le père, il stoppe la voiture pour l'obliger à les ramasser. Et donc bon, c'est un film axé sur les relations familiales. Hein. On soupçonne quand même qu'il y a une histoire, enfin qu'il y a un truc en cours entre le frère et la sœur, c'est-à-dire que parce que elle a des trucs genre oui, c'est la dernière fois que je suis en service, machin et tout, enfin des trucs comme ça. On saura jamais. Hein. Le truc il dure 9 minutes, hein, donc c'est pas, on saura jamais exactement. Et donc en fait on soupçonne que bah l'enfant c'est un peu une sorte de médiateur entre eux, tu vois. Enfin, il se trouve que le fait que le gosse il jette l'histoire, enfin l'histoire avec les pelures qu'il jette par la fenêtre, c'est un truc qui intervient en cours de route par rapport à notre truc, quoi. Et en fait, bah dès le début, en fait, au niveau de la réalisation, elle accentue le son de l'orange que le gamin tape contre la vitre, comme pour attirer l'œil dessus, quoi, pour augmenter l'énervement qu'on a par rapport à ça. Visuellement, il y a une thématique orange entre eux, parce que toute la famille, ils sont roux. Entre ça et la clémentine et les sièges qui sont un peu brun roux, tu vois, voilà, il y a une espèce de thématique visuellement. Il y a la caméra à un moment, vers la fin qui se substitue à une voiture qui passe, pour mettre le spectateur à la place d'un automobiliste qui observe, qui en passant cette famille-là, en fait. Et en fait, après, moi, c'est mon interprétation à moi, mais j'ai l'impression que la métaphore de l'orange qui sent les pelures, en fait, ça pourrait être une métaphore de leur famille où t'enlèves un truc et ça peut être. Enfin, bon, après, c'est juste moi qui me fais peut-être des idées. Pour l'actrice qui joue la tante, en fait, Katy Paille, qui, physiquement, je trouve qu'elle ressemble à Rachel Griffiths. Qui était aussi dans Muriel et qui a joué dans Six Feet Under. Mais en fait, elle a rien fait par la suite en tant qu'actrice. En fait, elle est devenue artiste et styliste plutôt reconnue là-bas. En Nouvelle-Zélande, je crois, ou en Australie, je sais plus, mais je crois que c'est en Nouvelle-Zélande. Son frère, Tim Pye, qui joue le père du petit garçon, lui, par contre, il est devenu une personnalité de la télévision australienne, et primé en plus, donc en tant que scénariste et producteur. Et le petit, en fait, Ben Martin, qui est crédité Ben Martin Pye sur les sites du Festival de Cannes, lui, il a fait quelques films après sa carrière s'arrête en 98. Donc, on est plutôt sur... donc c'est pour ça que c'est marrant, parce que c'est un film qui est assez simple, avec des gens qui n'ont pas une carrière prolifique et qui n'étaient pas vraiment acteurs à la base, qui ne sont pas devenus réellement après et qui, finalement, ressemblent à un exercice scolaire. Et c'est celui-là qui a eu la palme d'or. Donc je suis un peu perplexe sur. C'est comme si finalement ils avaient repéré Jane Campion en se disant, parce que son film a été fait en 86, il a été présenté en 86, elle est sortie en 84 d'études et c'était réalisé en 82. Et la même année donc a été présenté à Cannes en 86. Le deuxième court-métrage que j'ai vu, qui s'appelle Histoire de jeune fille de Jane Campion. Justement, enfin, Histoire de jeune fille, qui, lui, a aussi été présenté à Cannes en 86, mais a un certain regard. D'accord. Bon, il n'a pas gagné, hein, parce que bon, elle avait déjà une palme d'or, c'est déjà pas mal. Hein, donc, mais les deux courts-métrages ont été présentés à Cannes cette année-là. Et c'est très bizarre, quoi. C'était comme si, voilà, il en fallait un qui gagne. C'était, voilà, comme s'il fallait à tout prix la lancer, tu vois. Je suppute, mais c'est très, voilà, c'est très curieux. Suppute, madame. Je suppute. Donc, le pitch d'histoire de jeune fille, donc, qui lui est de 84, qui est même pas non plus de 86, hein, tu vois, de 84. Ouais. C'est une tranche de vie de jeune fille qui, à la base, sont fans des Beatles. C'est dans les années 60, ça se passe. Bon. Alors d'office, il sera question de la sexualité des gamines parce que, enfin, en tout cas, ce sera évoqué parce que c'est la découverte, l'adolescence, tout ça, parce qu'il y a un dessin d'une anatomie d'homme au début du film. Après, elles sont, c'est des ados, quoi. Elles sont fanatiques des Beatles jusqu'à embrasser les photos sur les murs, tu vois. On se dit qu'elles sont comme n'importe quelle nana, quoi, tu vois, à cet âge-là. Elles s'amusent à simuler des embrassades où chacune met une photo du visage d'un des Beatles et elles s'embrassent, tu vois. Enfin, c'est du fanbase, quoi. Et en fait, ces jeunes filles-là, en fait, elles doivent composer leur vie entre des parents qui communiquent plus, de l'inceste, des souvenirs, carrément. Des souvenirs de pédophilie, un souvenir de pédophilie, et puis la vie qui les éloigne, la vie, enfin les unes des autres, quoi, tu vois. Les hommes de la famille sont pas de leur famille, ils sont deux essentiellement, ils sont pas d'épingle heureusement, hein. Il y a un frangien incestueux qui lui se pare du costume de l'innocent alors que c'est lui qui a tout fait pour, quoi, qui a poussé. Bon, après sa sœur était un peu complice non plus, mais il a fait, il était là en mode hey, vas-y, on joue fait muse et tout, enfin bon. Et mais elle voulait jouer aussi mais un autre truc, mais il a dit attends, on va jouer tout nu. Enfin bon, c'est c'était voilà. Et par contre il va la voir quand il va la voir alors qu'elle est enceinte, tu vois, il a le costume parce qu'aux yeux de tout le monde il faut qu'il ait hyper propre, hyper innocent, tu vois. Enfin, le père de famille qui rend sa fille témoin et complice involontaire des tromperies qu'il fait envers sa femme, tu vois. Voilà, c'est pas très glorieux sur les hommes. Le film est filmé en noir et blanc. Il dure une vingtaine de minutes. Le film est filmé en noir et blanc et c'est vrai que du coup t'as l'impression que c'est un film des années 60. J'avais pas du tout regardé la date. Et j'étais pas j'avais aucune idée de l'âge de Jeanne Campion. Donc du coup oui, tu peux penser que c'est un film qui des 60 au départ. C'est juste un moment j'ai regardé la date parce que à la fin en fait il y a une chanson qui fait quand même vachement plus contemporaine de l'époque du tournage et là je me suis dit hein quoi tu vois et, mais sinon ça le fait quoi et donc là aussi dans ce court métrage il y a aussi le fait de vouloir interpeller le spectateur par un petit regard caméra rapide un petit regard caméra comme si la jeune actrice voulait dire hey, regarde notre vie à quoi elle ressemble quoi. Et dans celui-là tu vois autant dans le premier elle était très académique et là elle est encore très classique hein, mais elle essaie des petites choses surtout au niveau du cadre, il y a pas mal de plans rapprochés et de gros plans quoi. Et il y a aussi une symbolique, je trouve, parce qu'ils évoquent souvent le radiateur et même la chanson de la fin, c'est à propos de la chaleur et c'est comme si la chaleur du radiateur qu'ils évoquent plusieurs fois devient une métaphore de la chaleur qui leur manque et que ces jeunes filles recherchent quoi. Et pour l'anecdote, t'as Nicole Kidman aurait dû jouer le rôle principal à 14 ans et en fait elle a finalement dit non. Parce que elle jouait dans BMX un coup. Non mais elle a dit non parce qu'elle était pas très à l'aise avec le rôle en fait. Parce qu'effectivement en fait il fallait embrasser une fille donc à l'époque c'était 14 ans quand tu te cherches un peu c'est ouais, pas. Et voilà et puis je sais plus il y avait un autre truc je sais plus ce que c'est mais bon après elle se retrouvait sur d'autres trucs tu vois on l'a vu tout à l'heure sur il y avait portrait de femme et voilà et d'autres trucs quoi il y avait de la série Top of the Lake donc voilà elles ont quand même réussi à jouer ensemble et en fait sur les actrices alors c'est assez marrant parce que les jeunes actrices elles ont rien fait après ce film là ah ouais elles ont rien fait il y en a une qui a fait un autre petit truc vite fait mais sinon sans plus quoi elles sont trois et il y a que le mec qui fait le frère incestueux, en fait, le jeune frère incestueux, qui était déjà un petit peu dans le métier et qui continuera à bosser jusqu'en 92. Et celui qui a duré le plus longtemps, en fait, c'est celui qui fait le père de famille, qui a tourné jusqu'à sa mort en 2002, quoi. Et, Et en fait, c'est marrant de voir que dans les deux films, elle a ce réflexe-là qui est finalement, qui doit finalement être très. Enfin, on parle souvent des regards caméra, mais je me dis, c'est un réflexe très classique, très. Ça doit être très scolaire le regard à la caméra finalement, parce que dans les deux, elle fait un peu ce genre de choses de vouloir faire participer les spectateurs, quoi. Donc, mais brièvement, hein, sans trop exciter, quoi. C'est comme si elle faisait. Hé, hey, mademoiselle, tu vois, c'est un peu ce même genre-là, tu vois. Et ouais, et tu vois, bah, quitte à filer un truc, je l'aurais plus filé à celui-là plutôt qu'à l'autre. C'est vraiment, mais je D'accord. te dis, c'est très, la panne, j'aurais plus filé à celui-là qu'à l'autre. Mais c'est très bizarre, je trouve ça très curieux, ce truc. Enfin, c'est comme si on avait voulu faire du forcing sur John Campion. Après, je peux me tromper, hein, mais on sait jamais, ils ont peut-être tombé amoureux. Oh, j'aurais trop bien comme réalisatrice, on va suivre. Voilà, quoi. Et du coup, elle a effectivement, deux palmes d'or, une pour un court-métrage et pour un long. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Et donc, ouais. Bah, du coup, Nelson, toi, tu vas terminer en beauté avec Too Much. Avec too much. Oh là là là là là. Bon. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec un pote. Il n'y a pas Ouais, longtemps, je discutais avec un pote. Et en fait, mon pote, il me disait, ouais, il n'est pas très cinéphile, le gars, mais bon, j'en vais en vouloir, c'est mon pote. Il me disait, ouais, les ricains, tous les remakes qu'ils ont fait, regarde, ils les ont réussi. Et là, je lui ai dit, non, ils ont fait de la merde. La preuve, avec Too Much. il se Alors, basait sur quoi Too ton Much. pote en fait là? Hein, quoi? Il se basait sur quoi ton pote? Oh, une tonne d'autres films dont j'ai plus réellement tout en tête. Mais on D'accord. a discuté longtemps là-dessus, tu vois. On a Ok. discuté longtemps. Et je lui ai dit, mais non, mais à part, mec. Non, non, non, je te rappelle que Stallone, il a voulu faire le remake d'Oscar. Donc, à un moment, faut pas déconner, quoi. Et je regrette qu'il ne l'ait pas fait. Ils ont été Ouais, ben moi, je l'ai cherché pendant longtemps en pensant qu'il existait vraiment, hein. pétants. Tu vois, pour te dire, quoi, jusqu'à qu'on m'a... finalement, non. C'est donc Too Much, un film de Fernando Trueba, produit par TF1, tourné aux États-Unis. Et donc c'est le remake du jumeau de Yves Robert. Et c'est nul! Mais c'est nul! Mais putain, qu'est-ce que c'est tout pourri! Comment le film va pas au bout de son propos comme l'a fait le film de Yves Robert! Mais c'est putain, qu'est-ce que c'est naze! Je me suis fait chier pendant, je crois que le film c'est 1 h 30, Mais même dis-nous pas 10 pourquoi minutes. c'est naze. Non mais ouais, mais non, mais c'est tout pété, quoi. Il y a Mélanie Griffith dedans, il y a Daryl Hannah, il y a Danny Aiello, il y a Joan Cusack, et il y a Eli Wallach. Eli Wallach, tout court dans Le Bon, la Brute et le Truand. Et Danny Aiello, quand même, qui a toujours joué énormément le parrain, et là, on le fout quand même dans un rôle de parrain. Et il y a Daryl Hannah et Mélanie Griffith qui sont censés jouer les jumelles. Sauf que là, dans le film, en fait, on leur a promis, genre, ouais, c'est ma sœur, tout court. Tu vois? Ah oui, Voilà. d'accord. C'était pour être sûr d'avoir deux grosses têtes d'affiche comme plutôt qu'une, quoi. Voilà. Voilà. Donc là, on a changé les noms du personnage. Donc, le personnage s'appelle Art Dodge. Comment on appelle ça? Dans le film d'origine, il s'appelle Mathieu Duval. Mais là, c'est réellement pris, adapté donc de Too Much, Ouais, le de bouquin. Nobles Lake, voilà, du bouquin. Donc ils ont pris le nom d'origine du mec, mais donc là c'est Art Dodge, et en fait il tente comment dire en fait le l'avocat dans le film de Yves Robert, l'avocat qui fait en sorte que comment s'appelle l'héritage ne se barre pas en couille, et que ce soit bien les deux sœurs qui aient l'héritage, et ben il est là, ils l'ont remplacé par un mafieux joué par Danny Aiello. Oh, quelle surprise! Oh là là! Et donc les deux sœurs donc, sont jouées par Daryl Hannah et Mélanie Griffith. Et tout est bancal. Tout est bancal dans ce film. De la déco jusqu'à la manière de s'enfringuer, dans la lumière, ah, mais tout est bancal, tout est de la Doucement, côté de la doucement, plaque. tout doux, tout doux, tout doux. Mais non, mais T'es franchement. encore sous le coup de l'émotion là. Mais ouais, mais moi, Romanie, alors. Je l'ai vu cette semaine. Tu vois, je l'ai vu cette semaine. Ouais. Et putain, mais j'étais dans le même état que là. J'étais dans le même état que là. Je dis, je comprends pas. Je dis, comment on peut se foirer avec un truc aussi simple? Et en fait, je pense qu'il y a aussi la patte bricaine derrière. C'est-à-dire, cette espèce de puritanisme qui dit, ah non, non, hein, le mec, il épouse les deux. Non, non, on va pas laisser faire ça. Puis c'est une comédie, merde, quand même, faut pas déconner. Et donc, du coup, ben, on n'a pas le même final. On n'a pas du tout le même final. Et on a une espèce de, en fait, Daryl Hannah qui joue Liz Kerner, qui est, bon, fidèle à ce que jouait, Carrie Moore. Ouais. Donc une femme forte, assurée, etc. Mm-hmm. Et Mélanie Griffith qui joue Elisabeth Kerner, qui est elle un petit peu plus sensible, un petit peu, tu vois, petite fleur bleue, etc. Mais là, Mélanie Griffith, une espèce de comment ça s'appelle, de sale gosse insupportable, vraiment. C'est vraiment, elle est insupportable. Et du coup, je regarde le truc en me disant, mais qu'est-ce que ça veut dire, en me disant, mais on se fait chier. Alors, pour l'époque, en fait, là, pour l'anecdote, à l'époque, Banderas et Griffith, je crois qu'ils étaient ensemble. Je ne sais pas s'ils se sont rencontrés là-dessus ou s'ils étaient déjà ensemble ou s'ils se sont rencontrés là-dessus, mais je crois que c'était un des arguments de vente après la sortie, quoi. Ouais, ben, franchement, non, c'est bancal. Puis, Antonio Banderas, il est encore, enfin, il est dans sa période, latino, donc, tu vois, il fait le séducteur espagnol, mais putain, là, c'est une caricature. Si on lui demande de faire, on lui dit, vas-y, c'est comme pour Pierre Richard. Ouais. Le mec, il est là, on lui dit force le trait, vas-y, force le trait, tu vois. Et là, c'est pareil, se concentre que les deux mecs, ils étaient là peut-être par amitié pour le Real, et qu'ils ont dit, vas-y, on va le faire. Puis, oh, bah, tiens, peut-être je vais jouer un salopard, et puis en fait, non. Non. Alors, il n'a pas attendu très longtemps Antonio Banderas pour jouer un salopard, parce qu'après, il joue dans Assassin, avec, il me semble que c'est. Il y a Sylvester Stallone dedans et je crois que c'est Sharon Stone. Non, c'est l'expert Sharon Stone. Bref, il y a dans Assassin. Mm-hmm. Et il jouera le rôle d'un salopard un peu mexicain et tout machin. De toute façon, El Mariachi, tu vois. Mais sinon, non. Le film, c'est non. C'est un grand non. C'est ne regardez pas ce truc, vous allez perdre votre temps. C'est vide, c'est chiant, c'est pas drôle. Les situations sont extrêmement poussives. Il y a les mêmes séquences. Bon, je pense que c'est adapté librement du bouquin, mais il y a les mêmes séquences que dans le jumeau. La séquence où, par exemple, dans le jumeau, il y a une séquence où il y a Pierre Richard, en fait, et dans une chambre avec une des jumelles. Et en fait, il s'est aperçu qu'il avait dit à l'autre jumelle qu'il dormirait avec elle aussi. Et donc, d'un coup, l'autre, elle va se réveiller, elle va se dire, mais merde, il est où, mon gars? Et donc, du coup, et lui, il s'allume entre les deux. Dans la version de Yves Robert, c'est assez drôle, bien que avec la musique façon Richard Gottener, t'as plus envie de te flinguer qu'autre chose. mais dans la version américaine, c'est chiant. C'est chiant, mais putain de merde, quoi. Mais autant de regarder un Jean Rollin de la première époque contemplatif à la mort pendant 2 heures. Que de se mater bien les premiers Rollins. Non, ils sont chiants, les premiers Rollins. Nio, s'il te plaît, je sais que tu es fan, mais à un moment, sois objectif. Non, toujours est-il que, voilà, c'est vraiment à éviter. Parce que je me suis fait chier, je pensais tomber sur un truc qui avait au moins les mêmes couilles que le premier, et en fait, non, en fait, on est sur un truc avec de la déco dégueulasse, avec de la menuiserie en alu, du blanc cassé partout, de la lumière fait avec le cul. Non, c'est vraiment compliqué, vraiment compliqué. Voilà. Malheureusement, ça n'est pas une réussite. Voilà. Après, il faudra le comparer. Est-ce que c'est à la hauteur de... Est-ce que, comparativement à tous les remakes de comédie, de comédie française, si c'est mieux ou pire que le dîner Dinner for Schmuck de Weber ou qui était avec Steve Carell ou pas. Et ah oui, d'ailleurs, au fait, concernant les remakes français, il y a de l'actu. Le fameux Trois hommes et un couffin qui était qui avait été remaké avec Trois hommes et un bébé avec Tom Selleck. Oui, c'est ça. Et bah, il va avoir le remake du remake avec Zac Efron. Waouh. Mais attends, parce que il y avait, il me semble que le Père Noël est une ordure. Ouais. Il avait été aussi remaké et qu'il y avait Steve Martin dedans. Ah oui, il y avait Steve Martin dedans. Attends, je regarde parce que, mais il me semble que j'avais vu ça. Bah, je crois que je l'ai vu dans un classement de vidéos ou je sais pas quoi aussi. Je crois que qu'apparemment c'est vraiment pas c'est vraiment pas un bon film. Ah, Mixed Nuts. Ouais, ouais, oh putain, en plus, non, mais attends, la blague, c'était écrit par qui? C'était par Nora Ephron. Aïe. En 94, donc Nora Ephron, la reine des comédies romantiques. Qu'est-ce qu'elle vient faire remaker un Père Noël est une ordure, quoi? C'est ça. Bah, tu vois, comme remake foireux, t'as ça aussi, t'as le remake foireux du Père Noël est une ordure. Le remake foireux du jumeau, t'as un remake, tombé quoi, t'en as un foison quoi, et le mec il me disait bah non ils ont fait des bons remakes oh diable, enfin bref, voilà, je pense que c'est tout pour moi, c'est tout pour moi, au revoir, tu vois, de Mike. Voilà. Bah écoute, on a une émission aujourd'hui qui est bien conséquente. Ouais, donc merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Le montage va être bien longtemps. Elle va être bien remplie celle-là. Je coupe rien du tout. Je coupe rien du tout. Allez hop. Et donc on vous dit la semaine prochaine du coup parce que les cinémas sont toujours pas ouverts. Toujours pas. Et donc donc Akon, Yo et Nelson et on vous dit au revoir du coup. Voilà. Comme le disait Valérie Giscard d'Estaing, rest in peace, quoi. Au revoir. Au revoir. Au revoir les amis.